Bon, écoutez, je vais vous dire que pour préparer cette émission, j'ai préparé dans des conditions spéciales. Je suis seule depuis ce matin. Et ouais. Écoutez ce qui s'est passé donc. Entre vous et vous-même. Entre moi-même et moi-même, en conférence de rédaction. Salut les amis! Salut Charline. Alors les sujets, oh bah écoute, on a Manuel Valls, la liberté d'expression, ah bonne idée. Et c'est dur de choisir des sujets comme ça. Ah ouais, tu sais, c'est beaucoup de travail. Salut aussi, Charline, voilà. Il est pas là Manoukian? Ah, Daphné Roulier, vous ici? Bah non, là je suis toute seule. C'est toi qui fais tout ce refus, on croit que vous êtes plusieurs. Bah non, écoute, il y a personne aujourd'hui, je suis en conférence de rédaction avec moi-même là. Ah oui, c'est ça, oui, donc vous êtes plusieurs mais dans ta tête quoi. Ah ben, je te remercie. Oui, bah, alors, mais pourquoi tu cherches Manoukian? Je te rappelle que t'es mariée. Oh non, c'était pour avoir des places pour aller voir la nouvelle star. C'est fini depuis hier. Ah oui, je sais, ça doit être une grosse déception, mais... Mais non, c'est formidable. Ah bon? Ça veut dire qu'il sera enfin libre ce soir, parce que moi, cette virilité arménienne, tout en rondeur musicale... Ça, je veux pas savoir. Écoute, moi j'ai d'autres soucis en ce moment, je suis toute seule pour faire l'émission. Tiens, d'ailleurs, tu fais quoi à 17h? Non, j'ai un after-work à Canal, on fait des pré-soirées à thème. Ah bon? Comme, par exemple, de l'importance de la tequila pour préparer le journal du Hard. Ça, je veux pas savoir. Écoute, dis-moi, toi qui fais des grands entretiens à France Inter, comment est-ce qu'on fait une émission en tête-à-tête? Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Ma vieille, c'est beaucoup de travail. Il faut avoir lu tous les livres de l'invité. Et s'il a d'autres contributions, comme des émissions, il faut les avoir vues ou entendues. Si tu veux un conseil, ma poulette, invite un type pas trop prolixe en ce moment, genre, je sais pas moi, Daniel Guichard. Ah, pas trop prolixe? Je reçois Raphaël Antoven. Mais t'es folle! C'est comme gravir l'Everest en tongs, c'est pour ça que j'ai jamais invité. Moi, je le savais. Bon, tu sais quoi? Comme c'est moi qui suis chargée de la tequila, pour ce soir, tiens. Je te file une bouteille, bois un coup avant l'entente. Ah non, mais t'es sûre là? T'as plus le choix, sinon je vois pas comment tu peux t'en sortir. Non, mais t'as du jus de fruits, puis on va mélanger à la tequila parce que là c'est sec. Quoi. Mais là, non, on the rocks, croisant mon expérience, je vais faire ta meilleure émission. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et merci à Daphné Roulier pour ses bons conseils. On va faire la meilleure émission qui soit aujourd'hui. Eh ben ça promet. Et vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité à la scie sauteuse. Et voici les trois informations qui vont finir en morceaux jusqu'à 18h. Les politiques valorisent leurs origines. Manuel Valls pose en une avec un portrait de sa maman en Espagne qui le serre dans ses bras. C'est émouvant. C'était le petit garçon rieur. Il était gentil. Il était affectueux, c'est gentil. Il riait tout le temps. Apprendre la liberté d'expression à l'école, c'est en marche timidement avec les journaux scolaires. Confectionner un média est un moyen d'exprimer librement sa pensée, et ce, dès l'enfance. C'est papa qui a raison, il y a trop de noirs en France. L'individu est devenu une micro-entreprise parce qu'il est prêt à louer ses biens en pièces détachées, son appart, sa bagnole ou son chat. Ça s'appelle l'économie du partage. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça vous rappelle quelqu'un? Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée d'une équipe inédite, d'abord le pilier de la chronique musicale, la seule chronique qui est plus longue que l'émission elle-même. Bonjour André Manoukian. Bonjour Charline. De quoi est-ce qu'on va parler vers 17h27 et jusqu'à 19h02? Alors en hommage à notre invité qui a fait un ouvrage sur les snobs sans vouloir déflorer son identité, les snobs et la musique, ou plutôt quel genre de musique produisent les snobs? Et puis celui qui malmène la musique à coup d'actualité, le sujet de votre chronique actualisique, Thomas VDB. Eh bien aujourd'hui on va parler de plagiat et des grosses sommes d'argent que ça peut coûter de plagier aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Très bien, vous êtes un petit peu le François Langlais de France Inter aujourd'hui. Celle qui regarde le monde du haut du dernier rayon de sa bibliothèque pour nous élever vers les nourritures spirituelles, alors qu'on est plus enclin aux spiritueux aujourd'hui, Juliette Arnaud. Bonjour, alors moi aujourd'hui, je vais vous restituer ce que j'ai cru comprendre du livre de notre invité. Et comme tous les vendredis, Frédéric Fromet viendra nous rejoindre à la fin de cette émission, armé de sa guitare et de ses couplets. Frédéric Fromet sera dans la place quelques minutes avant 18h. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence auquel on se raccroche désespérément quand on a des questions, un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard, vous devenez agrégé de philosophie en 99, l'année où José Bové démonte le McDonald's de Millau. C'est plus facile à démonter que le viaduc. Vous arrivez sur France Culture en 2003 quand Giscard devient immortel, alors que les diamants mémoire sont éternelles, je le rappelle. Vous présentez Philosophie sur Arte en 2008, l'année où Sarkozy lance l'appel de la porte de Versailles, son fameux « casse-toi pauvre con ». Et vous publiez « Le philosophe de service » en 2011, quand débute le mouvement des indignés. Et donc vous êtes, je vous laisse le dire. Raphaël Antoven. Bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et là, Raphaël Antoven se dit, où est-ce que j'ai mis les pieds ? Non, mais je le savais déjà, je vous écoute, Charline. Ah, d'accord, très bien. Parce que vous avez dit, par exemple, le philosophe n'est pas là pour commenter l'actualité, mais pour s'interroger sur la notion d'actualité. Ça tombe bien, c'est une émission où on demande d'avoir un avis sur tout, voilà. Et surtout sur n'importe quoi. Ça dépend si on peut avoir n'importe quel avis, alors tout va bien. Ah oui, c'est vrai, voilà. Et alors, on se moque aussi de cette posture, hein, c'est justement le principe de l'émission, avoir un avis sur tout. Mais le philosophe, il peut en tout cas entamer une réflexion. Surtout, rien ne le décourage. Bien sûr, il n'y a pas d'objet indigne, etc. C'est juste l'actu, c'est-à-dire les médias sont hantés par l'immédiat. L'idée est d'introduire un tout petit peu de médiation, c'est-à-dire un tout petit peu de temps long, là où les choses vont très très vite. Voilà, c'est tout simple. Est-ce classe quand même. Non, mais on peut. Les médias sont hantés par l'immédiat. Vous êtes tous d'accord avec moi, là. Ça sonne comme une poésie. Alors, on est tous d'accord, surtout André, qui est à deux doigts d'avoir une espèce de direction de la moustache. Non, mais c'est-à-dire moi je l'admire parce que quand la pensée est concise comme ça, et surtout quand elle est dite d'une manière poétique et avec le timbre de voix qu'il a, moi je suis une gonzesse, mais c'est sur lui que je craque. Enfin, voilà. je trouve qu'un philosophe, c'est merveilleux. J'ai presque envie de me taire. C'est d'abord une voix. Ah non, on a envie de vous entendre aussi. Le snobisme, c'est paru chez Plon, coédité avec France Culture, Raphaël Antoven et Adèle Van Rett. C'est une collection où il y a Vous dites Adèle Van Rett. Mais est-ce qu'elle a des origines aussi hollandaises ou belges? C'est un peu batave, il n'y a que des bataves ici. Vous aussi d'ailleurs. Mais moi aussi, absolument, personne n'est parfait. Et moi, avec Vanhoenacker, je suis un petit peu du nord de la Belgique. Vous êtes du nord de la Belgique, vous êtes sur le cerveau de la France. Exactement, voilà, je vois que vous suivez. Alors la collection, donc, il y a la méchanceté, l'obstination, la jouissance. Et vous, c'est tombé sur le snobisme chez Plon. Pourquoi le snobisme, c'est tombé comme ça? Pourquoi pas? Parce que c'est une forme du désarroi. C'est un cas particulier du désarroi. C'est une façon hilarante, très drôle et parfois extrêmement subtile qu'on a d'être désemparé. Le snobisme, c'est quoi? C'est de dire qu'on ne voit pas les choses mêmes, mais les étiquettes qu'on a posées sur elles. C'est un sentiment de savoir qui a la folie de s'appuyer sur un préjugé, mais la sagesse parfois de se moquer de lui-même. Et là-dessus, on a brodé, on s'est amusé, on a repéré des cas particuliers, des cas de figure, des choses hilarantes, voilà, qui fonctionnent très bien, je crois, qui sont... Mais c'est un livre sur... Je veux dire, c'est une affaire grave, c'est une affaire sérieuse, voilà. C'est une affaire sérieuse dont il faut rire. On n'est pas sérieux quand on ne se moque pas de soi ni du sujet qu'on traite. Mais c'est une affaire sérieuse, c'est une vraie forme du désarroi, c'est une douleur pour celui qui l'éprouve. C'est drôle, mais c'est grave, et c'est ce que nous dira tout à l'heure Juliette Arnaud, qui a lu cet ouvrage « Le snobisme », paru chez Plon, coédité par France Culture. Alors, vous dites aussi « se divertir, c'est détourner son regard de la réalité ». Mais parfois, si on se divertit avec la réalité et notamment l'actualité, est-ce que ça peut faire sens? Rassurez-nous pour donner un sens à cette émission. Certainement. Le fait est que quand on se divertit avec l'actualité, il arrive qu'on lui tourne le dos aussi, ce qui n'est pas plus mal. C'est une façon, Charline, de s'élever, comme dirait Nietzsche, au-dessus de la défaillance du présent. Vous tournez le dos à l'actualité en vous divertissant avec elle et vous prenez de la hauteur, malgré vous. Et là, André Manoukian et moi, on défaille, n'est-ce pas, André? Au-dessus de la défaillance du présent. Elle n'est pas de moi, elle n'est pas de moi. Vous écoutez parler comme ça de philo, Raphaël Antoven, c'est intéressant. On dit, ah putain, c'est intéressant. Et je me rends compte, je rentre chez moi, je dis, ah tiens, il faut que je me mette à lire de la philo. Je prends un livre au bout de deux pages, je me dis, mais c'est chiant. En fait, j'aime bien vous écouter parler, mais c'est vrai que me mettre. Alors, lisez le snobisme. Non, mais en philo, il faut des intercesseurs, il faut des gens qui vous aident un peu, c'est normal. C'est comme la médecine. Il faut se faire tenir la main un petit peu. L'oralité, il n'y a que ça. C'est finalement, les philosophes premiers, bon, le mec qui a inventé tout dans la philosophie n'a jamais écrit une seule ligne. C'est Socrate. Il n'est que dans la parole. Mais oui, il n'est que dans la parole pour une raison très simple. Les textes écrits sont des lettres mortes. La parole est une parole vivante. Elle pense contre elle-même en permanence. Donc quand on écrit quelque chose, c'est pas pour s'en souvenir, c'est pour pouvoir l'oublier. Et donc, il faut raisonner en termes quasiment d'informatique, en fond. Il y a le disque dur, puis il y a la mémoire vive. La mémoire vive, c'est la parole. Le disque dur, c'est l'écriture. Donc c'est moins important. Et tiens, laissons la parole alors à Nirvana. Ah ouais. Oh ah oui, parce que là, on va s'envoler très très haut, n'est-ce pas? Et puis le titre qu'on a choisi, c'est Rape Me. Voilà. Oh la jolie idée de week-end. Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Rape me, my friend. Rape me. rape me again. I'm on the own. Nirvana susurre à nos oreilles, viole-moi, c'est sur France Inter. Et c'est pour ça qu'on a invité Raphaël Antoven pour prendre un moi, petit peu de hauteur. Moi, je suis sur France Q, moi, c'est pas France Inter. C'est vrai. Donc, si tu écoutes J'adule tout jusqu'à 18h, alors à cette heure-ci, je fais une revue de presse à deux voix avec Alex Vizorek ou Guillaume Meurice. Et là, ils m'ont abandonné, je suis seule, ça aurait pu être une revue de détresse. Et Thomas est arrivé dans ma vie, Thomas VDB. C'était très facile pour moi. Voilà, et vous allez trouver le journaliste qui est en vous. Absolument. Pour entamer cette émission. Et c'est parti. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Alors Marine Le Pen estime qu'un système pénal n'est pas tenable sans la peine capitale. Alors, c'est idiot, parce que si on tue les prisonniers, ça fait moins de détenus, donc moins de prison, et ça affaiblit le système pénal. Oui, c'est idiot. Alors passons à Manuel Valls, qui veut rapprocher les services publics des zones rurales, hein, des endroits qui sont aussi très mal couverts par les réseaux téléphoniques. Bref, Manuel Valls s'attaque à ce qu'on appelle les zones blanches. Ah, Valls s'attaque aux zones blanches, donc c'est vraiment l'ennemi numéro un du Front National, quoi. Non, ça veut dire que Manuel Valls s'intéresse au monde rural. Ah, donc on a enfin trouvé l'utilité des départements. C'est-à-dire rappeler au gouvernement qu'en France, il existe encore des campagnes. Oui, et d'ailleurs, le président des maires ruraux se dit modeste et résigné. Hein, il ne s'agirait selon lui que des mêmes promesses qui sont faites depuis des années. Oui, alors qu'il se rassure, on a la même chose en ville. Hein, ça... D'accord, mais ce que veut dire le Premier ministre, c'est qu'il refuse toute opposition entre les territoires. Ah, donc on va donc vers une interdiction des rencontres sportives. Ce serait idiot. Donc c'est plausible. Alors, le ministre de l'économie déclare « Je veux donner plus de souplesse aux entreprises ». Oui, Emmanuel Macron propose d'inscrire tous les chefs d'entreprise au yoga. C'est assez malin. Ouais, donc ça ne se fera jamais. Alors demain, Christie's organise une vente aux enchères de planches, de bandes dessinées et de dessins originaux. Oui, un gilet pare-balles sera fourni à chaque participant. Mise à prix jusqu'à 600 000 euros pour une affiche de Tintin. Oui, en apprenant ça, les terroristes islamistes ont fait une attaque. Où ça ? Bah, une attaque cardiaque. Très bien, et enfin culture toujours, ce soir c'est la grande soirée des Enfoirés, retransmise sur TF1. Cette année, il y aura plus de sketchs et moins de chansons françaises. Ah, enfin une bonne nouvelle pour la chanson française. Ça vous fait rire, Juliette Arnaud. Ah, pas du c'est tout. Pas très enfoiré. Non, pas du tout. Non, je suis pas très chanson française, ça doit être ça. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Raphaël Antoven qui publie avec Adèle Van Rett Le Snobisme. C'est paru chez Plon, coédité par France Culture. Et avec vous, on retapisse l'actualité du sol au plafond. ou du moins la notion d'actualité en tant que médiateur entre l'objet et... Enfin bon, voilà. Je peux vous donner un exemple, juste parce que j'ai entendu votre revue de presse, ouais. Juste la déclaration de Marine Le Pen sur la peine de mort. Le Front National, depuis toujours, fait campagne sur le fait que la vie d'un assassin ne vaut pas plus que celle de sa victime. Mmh. Ce qui est vrai, incontestablement, à l'échelle d'un individu. Ce que je veux dire, c'est qu'un père, par exemple, dont les enfants sont tués ou malmenés, tue l'agresseur de ses enfants, personne n'a rien à redire à cela, mais il doit de lui-même... dans ces conditions, tomber sous le coup de la loi. Il n'y a aucune contradiction entre le fait de venger la mort de ses enfants, par exemple, et lutter contre la peine de mort. Pour une raison très simple, c'est que la peine de mort, et c'est ce que le Front National n'a jamais compris, n'est pas une affaire de... le droit n'est pas une affaire de vengeance, c'est une affaire de justice. C'est pas la même chose. Si la peine de mort est dans le droit, alors la justice devient une affaire de vengeance. Et on sort radicalement, résolument et définitivement d'ailleurs, du cadre démocratique. La peine de mort n'a pas sa place en démocratie pour cette raison-là, si on met de côté le fait qu'il y a des erreurs judiciaires comme partout et que par conséquent, quand on est condamné à vie, ça peut être corrigé. Quand on est condamné à mort, on ne peut plus rien faire. Mais juste ce point-là, je voulais le dire, puisque c'est l'occasion de mais le oui, dire. Oui, voilà. Oui, c'est l'occasion. Et donc, et la philosophie et la blagounette d'aujourd'hui, de concert. Et Marine Le Pen, qui est à mi-chemin des deux. Pour se payer Marine Le Pen. Allez, premier sujet, Bruno Le Maire a une arrière-grand-mère brésilienne. NKM... Bah, ça ne se voit pas. C'est dingue, hein. NKM a des ancêtres polonais. Le père de Jean-Louis Borloo est d'origine belge, ce qui explique bien des choses. Et Manuel Valls est né d'un papa espagnol et d'une maman espagnole et suisse. J'aime ma banque. Et il livre une photo de famille en une du Parisien Magazine aujourd'hui avec sa maman pour valoriser son profil ibérique. Hein, latino, c'est Manuel, quoi. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a inventé des dimanches, qui t'a fait voyager. Manuel. Je n'ai pas changé. Mais oui. Que vous voulez, c'est comme ça. Ça m'a rendu toute chose, cette une du Parisien Magazine aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça rendait tremblotante. Alors, le Parisien Magazine qui est passé maître dans l'art de mettre nos élus dans des mises en scène qu'on pourrait, si on a envie de s'amuser, qualifier de grotesques, hein, mais c'est un jugement de valeur, mais bon, eux s'y prêtent. Est-ce que ça peut susciter une réflexion, ce genre d'image, de mise en scène? Vous regardiez tout à l'heure, c'est cette image, Raphaël Antoven, donc de Manuel Valls, qui montre une photo qui est un portrait de lui enfant avec sa mère. Ce qui est intéressant dans cette photo, c'est l'air attendri que prend Manuel Valls devant sa propre photo, en fait. L'air un peu quiche, disons-le. C'est vous qui l'avez dit, mais comme s'il prenait soin de nous renseigner, de renseigner le lecteur sur le fait qu'il faut être ému devant cette photo. Donc il y a deux photos en une, en fait. La photo est pour ça vraiment intéressante, je dois dire. Oui, oui. Alors au sommet de l'État. Elle se met en miroir, quoi. Oui, on peut dire qu'il y a une mise en abîme. On peut le dire comme ça, avec un Y. J'essaye de mettre des mots. Mais je vois ça. C'est France Culture. Hein, donc, vous êtes sur France Inter, mais avec un peu de France Culture. Donc. Alors, au sommet de l'État, on a donc un personnage qui tente de valoriser ses origines avec l'aide de la presse, puisque le Parisien Magazine fait toute une liste des politiciens qui ont des origines des étrangères. Si vous avez un arrière-grand-oncle tunisien, ça le fait. Hein. Enfin, tout ça repose sur le sentiment, tout ça repose sur une conception, je crois, un tout petit peu obsolète du Front National aujourd'hui. Bien sûr, il y a des fous au FN toujours. Hein. D'ailleurs, les déclarations, vous ne vous privez pas d'ailleurs de les pointer en général. Elles sont très, très judicieusement remarquées et finement à la radio. Des hurluberlus, elle appelle ça. Oui, d'accord. C'est des hurluberlus. Oui, il y a des fous partout et peut-être plus ici qu'ailleurs. Enfin, plus là-bas qu'ailleurs, ici aussi. Mais je ne suis pas sûr que le problème du Front National aujourd'hui, ce soit le français de souche. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on lutte en gros contre l'intolérance, si on veut, en faisant valoir le fait que nous sommes tous des enfants d'immigrés d'une certaine manière, quand on n'est pas resté immigré nous-mêmes, je veux dire. Je ne suis pas sûr qu'on lutte contre le FN efficacement de cette façon-là. Le FN aujourd'hui est devenu un parti populiste, est devenu un parti démagogique, certes, mais je ne pense pas que la question de l'origine, véritablement, de la racine française, du français de souche, soit son fond de commerce, voilà, et soit son cœur de réflexion. J'ai peur qu'on vise à côté en attaquant de cette façon-là une certaine idée qu'on se fait du Front National qu'il ne faut pas dédiaboliser, mais qui en revanche est un parti caméléonesque, beaucoup plus qu'avant. Et donc voilà la façon dont Manuel Valls tente de lutter contre le FN en montrant une photo de lui petit avec sa maman. Non, mais en faisant valoir le fait qu'on n'est pas né français, ouais, et qu'on le devient. Bon, ce qui est très bien, mais il y a des tas de gens au Front National qui le pensent de bonne foi. Oh, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Voilà. Et puis je pense qu'on peut faire la même photo avec des militants et des dirigeants du Front National qui eux aussi ont des parents ou des grands-parents. Par exemple, les grands-parents, je pense, de Philippot ont des origines polonaises. Voilà, ce genre de choses. Thomas VDB, vous voulez dire quelque chose? Vous voyez, vous avancez vers le micro. Pas du tout. Je faisais un test d'avancer vers le micro. Ce que je me disais aussi. André Manoukian, tout va bien parce que Raphaël Antoven vous fait transpirer de la moustache, donc je voulais savoir si tout. Ah, tout va bien, tout vous va planez, bien. Quoi. Le problème, c'est qu'il faut quand même faire quelque chose et à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là où vous avez raison, hein, Raphaël, c'est quand on voit des gars dans les banlieues qui disent qui sont clairement maghrébins et qui disent qu'ils votent pour le Front National. Là, on comprend plus rien, effectivement. C'est parce que je crois qu'on a des référents qui remontent un peu. Le Front National aujourd'hui est un parti qui spécule sur, à mon avis, sur ce que les gens ont de pire, sur la peur. C'est la peur au gouvernement. C'est un programme, à mon avis, absurde, contradictoire, fétide, tout ce qu'on voudra. Mais la question de l'origine est une question que ces dirigeants ont la sagesse, de ne pas trop mettre sur le tapis, tout simplement, parce que c'est trop facile de les contrer là-dessus. Ils sont plus malins que ça. André Manoukian, c'est à vous, il faut passer derrière Raphaël. Il va falloir que la chronique soit d'un niveau 8. Je vais essayer de passer à côté de Raphaël, si vous me permettez, ou plutôt de le contourner, ou bref, enfin voilà. Faites ce que vous voulez. Du moment qu'il est consentant et qu'on n'a pas de problème, tout va mais bien. Par contre, je vais un petit peu le consulter parce que je vais en profiter pour une fois. Comme disait Lao Tse, au lieu de pester contre l'obscurité, allume une bougie. Moi, j'ai ma bougie qui est à côté, ça va être formidable. C'est moi la bougie ? Oui. Ah, okay. Mais ne le prenez pas mal. Donc cet ouvrage sur le snobisme me fait poser une question. Quel type de musique finalement produirait les snobs ? Si on part du principe qu'un snob, il serait plutôt, il souhaiterait se mettre à part du groupe, on est d'accord. Hein, donc il serait plutôt un petit peu apollinien, on dirait ? Non, parce qu'il a aussi le désir de s'intégrer. Hein. Il veut aussi rentrer dans la bougie. Le snob. Il n'y a pas plus snob que le mec qui se fait accepter dans un milieu qui n'est pas le sien, sur un malentendu, hein, comme on dit, et qui devient le gardien du temple nouveau où il a réussi à entrer. Alors donc, le snob a envie d'accéder peut-être à une nouvelle identité. En tout cas, il a envie de s'extraire de sa... Bah, d'accord. Ça vous va ? C'est bon. Alors, donc, de toute façon, il y a un moment, il va falloir commencer cette chronique. Oui. Hein. Ça veut dire qu'il va produire plutôt... Ça veut dire qu'il va plutôt... Non, on y est jusqu'à 19h02, c'est ce que vous avez dit. Je vais pas demander à Nicolas Demorand, s'il veut bien nous laisser un peu de temps. On vient de reculer à 16h40, là. On est reparti en arrière. Est-ce qu'on peut dire que l'ancêtre du snob, c'est un peu l'aristo ? Dans ce cas-là, ce qui est bizarre, c'est qu'on se moque pas beaucoup des aristos. Il y a que Molière qui se moque finalement des femmes qui veulent accéder à une notion qui n'est pas la leur. Dans Les Précieuses Ridicules, on a plutôt tendance à se moquer des femmes à travers ça, encore une fois, qu'à travers les hommes. Moi, je dirais que le snob moderne, pour moi, il naîtrait tout de suite après la Révolution. Les Incroyables et les Merveilleuses qui ont finalement la figure de l'aristo n'est plus là, mais ils vont la caricaturer, ils vont s'en emparer, ils vont défiler aux Tuileries et surtout, ils vont inventer une musique. Cette musique, ça s'appelle le quadrille des Tuileries et c'est là-dessus qu'ils font leur défilé un petit peu extravagant. On est en 1792, c'est là que naît cette musique. On parade, mais ce sont des parades un petit peu ridicules pour se moquer, pour dire qu'on a peur de rien, pour dire qu'on est dans l'extravagance absolue. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les Français qui vont partir en Louisiane vont emmener cette musique avec eux. Et c'est que les Noirs, à leur tour, vont utiliser cette musique pour se moquer d'eux dans ce qu'on va appeler... les cakewalks, c'est-à-dire une marche où on va gagner un cake et les Blancs vont les regarder se moquer d'eux avec beaucoup d'amusement finalement. Cette musique va produire une autre musique quelques années plus tard. Le ragtime vient directement du quadrille des Tuileries. Hein. Bon, pour une fois qu'on a... Enfin, voilà. Moi, je suis un petit peu fier de ça, quand même. Hein. Vous faudra en parler à Marine Le Pen pour lui dire que, quand même, c'est les Français qui ont produit une bonne musique de nègre qui va envahir le monde entier plus tard. Voilà. Donc, du ragtime, là, c'est Scott Joplin qu'on est en train d'entendre. Il y a aussi un grand maître du ragtime qui s'appelle Jelly Roll Morton. Morton, En fait, son vrai nom, c'est Mouton, c'est aussi un autre français. Jelly Roll, c'est juste un roulé avec de la confiture qui préfigurait une partie de son anatomie que je ne peux pas citer ici. Mais voilà, donc c'est... Voilà, dans les meilleurs... Je trouve bien prude. Pianiste de jazz. Du jazz, on passe chez nous, évidemment, à qui le plus snob de nos jazzman à nous, bah, c'est... Je suis snob. Eh oui, Boris Vian, bien sûr. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je dois... Mais le problème, c'est que les vrais snobs, en fait, sont plutôt anglais. Déjà, l'origine du mot, alors ça serait snab, qui veut dire cordonnier. Pourquoi on traite les snobs de cordonnier ? Parce que dans 1840, c'est une explication, les nobles, qui s'appellent les nobs, voient arriver des fils de bourgeois, parce que l'Angleterre est en train d'exploser en termes de révolution industrielle, et les nouveaux arrivants, on les aime pas trop, c'est un peu les parvenus. Donc pour distinguer les nobs des héritiers, des cordonniers, des snobs, on va les appeler les snobs. C'est les nobs et les snobs qui s'opposent. Le plus grand snob que va produire la pop culture, c'est un certain David Robert Jones qui est né en 1947 à Londres et dont le pseudo est David Bowie. David Bowie, bien sûr. Alors David Bowie, il est tellement snob déjà. Quand il est ado, il naît dans un milieu plutôt populaire, mais il a envie de se démarquer des gens. Et voilà la musique qu'il écoute. On est à Londres en 1900, à la fin des années 50, et lui, il écoute cette musique-là. Et il dit lui-même, dans une expo que je vous conseille d'aller voir, parce qu'elle est juste formidable en ce moment, elle est à la Philharmonie, il dit lui-même, j'écoutais Eric Dolphy et je comprenais rien du tout à cette musique. Je pensais que c'était super snob, en fait, d'écouter du bebop, mais je pigeais rien. Et à force d'en écouter, ça commençait à rentrer. Pareil, quand il était dans le métro pour avoir une attitude, il avait des gros bouquins de philo, il y pigeait que dalle, mais au bout d'un moment, à force de les lire, il y a quelque chose qui est entré. Et ça, je trouve que ça, c'est formidable, parce que au fond, le snob, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui veut avoir l'air, sauf que paraître à ce niveau, ça devient tellement énorme que ça devient un être, et c'est ce que réussit finalement Bowie. Le snob devient une œuvre d'art, un héros. Heroes de David Bowie, donc. Aujourd'hui, le snob dans la musique, il est où ? Alors, on pourrait dire que l'héritier du snob, ça pourrait être un petit peu le hipster. Je sais pas ce que vous en pensez, Thomas. Alors, le hipster, il vit en meute, il porte un uniforme, une barbe longue post-islamiste, travaillée, les cheveux norvégiens, il est affublé de ses oripeaux. Celui-ci, c'est... Alors, je suis pas sûr que le hipster, ça soit vraiment l'héritier du snob, parce qu'encore une fois... Ils sont plusieurs. Et je pense que le snob, il a toujours envie de se singulariser quelque part. Le snob hipster que je préfère aujourd'hui en termes de musique, il est né en Australie. Il a cette fameuse barbe, il a cette fameuse mèche. Il chante avec une voix soul sur des beds électro. Il est australien et il s'appelle Chet Faker. Il n'y a pas plus snob que ça comme nom. Et là, c'est vraiment du bon son. Il y a des snobs qui peuvent faire de la super musique, non ? Le snobisme en musique vu par André Manoukian. Super. Et pour compléter, je rappelle le snobisme vu aussi par Raphaël Antoven et Adèle Van Rett, publié chez Plon. Pour être tout à fait complet. Est-ce que je peux dire un mot sur ce que je viens d'entendre, hein, qui me bouleverse, hein. Non, c'est qu'il y a autant de snobisme, en fait, dans le hip-hop, dans le slam, que dans l'opéra. C'est juste ça, c'est que le snobisme, c'est pas une affaire de matière, quoi, c'est une affaire de manière. C'est pas le contenu de ce à quoi on adhère qui fait le snob, parce qu'on est aristocrate ou bourgeois, ou je ne sais pas, qu'on appartient à une classe, ou qu'on est à tel moment de l'histoire qu'on est snob. On est snob quand on valorise comme tel quelque chose qui n'est pas valorisable comme tel. Voilà, on est snob, c'est une forme de communautarisme individuel au fond, le snobisme. Et il n'y a pas besoin de contenu. Mais oui, mais il n'y a pas besoin de contenu, je veux dire. Ça, c'est la grande trouvaille de Proust, c'est qu'il y a autant de snobisme chez les domestiques que chez les duchesses. Et chez Thomas VDB ? Ah, très peu de snobisme. Beaucoup d'actualisique. Beaucoup d'actualisique. Oh, bah beaucoup de snobisme dans le fait de s'en défendre. Hein. C'est vrai ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah voilà, donc vous en êtes. Est-ce qu'on pourrait dire à la fin qui est le plus snob autour de cette table ou pas ? C'est-à-dire, on se dénonce, on se montre du doigt. Quoi, je vais vous dire, la nouvelle star, c'est terminé. Ah, bon, hein, ces histoires de notes oubliées. Vas-y, Thomas. C'est l'égalité parfaite. Vas-y, Thomas. Évidemment, puisqu'un peu de musique, un peu d'actualité, c'est la page actualisique de Thomas VDB. Alors, un jury de Los Angeles a tranché cette semaine. Le chanteur Robin Thicke et le musicien Pharrell Williams ont été reconnus coupables, donc pour leur énorme tube qui s'appelle Blurred Lines, d'avoir plagié un classique de Marvin Gaye. Et ils ont été condamnés à payer en tout 7,4 millions de dollars. Hein, ce qui est l'équivalent, je vais dire, 6,9 millions d'euros. 45 millions de francs français. Je sais que mon père est peut-être en train d'écouter, je précise pour lui, 4,5 milliards d'anciens francs. Ça fait quand même beaucoup d'argent à payer. Apparemment, Pharrell Williams, qui a cartonné l'été dernier avec son autre morceau qui s'appelait Happy, a prévu d'en enregistrer une nouvelle version qui s'appelle Not Very, Very Happy. Hein. Alors, MC Solar avait plagié Marvin Gaye, une chanson qui s'appelle Armand est mort. MC Alors, Solar, où il reprenait une mélodie de Marvin Gaye. C'est pour ça qu'on n'a plus de nouvelles d'MC Solar, ça y est. Nos auditeurs le sauront et diront si j'ai tort ou si j'ai raison. Ils pourront nous écrire sur Twitter, tiens, hashtag annule tout si vous avez des informations. Alors, je reviens à ces deux morceaux, donc de Pharrell Williams, Robin Thicke, et celui de Marvin Gaye d'autre part. C'est vrai que ce sont deux morceaux quand même extrêmement ressemblants. Vous savez que Igor Stravinsky disait que composer un air de musique, c'est se souvenir d'une musique qui n'a jamais été jouée. Donc là, pour Pharrell Williams, c'est pareil, sauf qu'il s'est souvenu d'une musique qui avait déjà été jouée, tout simplement. Un peu de choses près, c'est quasiment la même chose. Alors, ce qui est rigolo quand même, c'est que quand ce morceau est sorti, Blurred Lines, il était crédité au nom de Robin Thicke, mais dès que les premiers soupçons de plagiat sont apparus sur Internet, Robin Thicke, il a dit « Ah oui, je me souviens, c'est pas moi, c'est Pharrell Williams qui l'avait composé dans le studio, en fait. » Robin Thicke, record mal du monde de lancer de patates chaudes. Alors donc, 7,4 millions de dollars donc ils doivent payer les deux musiciens à la famille de Marvin Gaye, aux ayants droit. Ces 7,4 millions de dollars se divisent en deux parties. Il y a 3,4 millions de dollars pour ce qui est des revenus qui ont été générés par le succès commercial de Blurred Lines et 4 millions de dommages et intérêts, c'est-à-dire pour le préjudice qui a été porté aux ayants droit de Marvin Gaye. Alors moi personnellement, je n'ai jamais compris comment on fait pour quantifier financièrement le préjudice porté à quelqu'un. Je pense qu'il y a des gars, ils sont spécialisés dans l'évaluation de chagrin et ils vont aller voir la famille de Marvin Gaye, ils leur ont dit attention, alors si vous êtes déçu, on va demander 1 million de dollars. Si vous êtes triste, on demande 3 millions. Et si vous êtes très très triste, on demande 7 millions. Ils ont fait très très triste, on est très très triste. Alors regardez, on pleure, regardez, on est très très triste, évidemment. Alors, je pense que ça vaut le coup de rappeler combien en 2015, il doit être assez bon d'être héritier de Marvin Gaye. Moi-même, j'aurais adoré faire partie de sa famille. Hein, t'as rien à faire, t'as juste qu'à être le fils de Marvin Gaye, tu n'as plus qu'à attendre qu'il meure, t'attends que quelqu'un le plagie, et là, bim, gros pactole. C'est quand même un lien de parenté assez lucratif. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, la crainte dans l'industrie de la musique, c'est que ce verdict risque de créer un précédent et que du coup, des tas d'ayants droit vont se retrouver à attaquer des musiciens en disant « Hey, t'aurais pas piqué la musique à mon pépé, toi ?» ou la musique à mon oncle. C'est vrai que si on suit cette logique, si aujourd'hui vous êtes un des nombreux enfants, par exemple de Bob Marley, ça me donne l'idée qu'il faut absolument un test ADN, et bien vous aussi, vous pouvez porter plainte contre tous les groupes de reggae du monde, parce que tous les morceaux de reggae ressemblent plus ou moins à un morceau de Bob Marley. Il suffit de changer les paroles par « Bouyaka Sound System !» Rasta Babylon Reggae et puis le tour est joué. Alors enfin, puisque notre invité Raphaël Antoven est là, je précise que la notion de plagiat, ça marche en musique, mais pas en philosophie. Hein, je dis ça parce qu'on sait que Descartes a dit « je pense, donc je suis ». Eh bien, il se trouve que moi aussi, je pense ça. Je pense que je pense, donc je suis. Pour autant, si les héritiers de Descartes me demandent 7 millions d'euros, eh bien, je leur suggérerais de se les mettre où je pense que je suis. Est-il besoin de le préciser ? Merci, merci Thomas VDB. Magnifique, magnifique. Cela dit, il y a des plagiaires en philosophie merveilleux. Montaigne, par exemple, a été plagié par Pascal. En plus de 85 endroits, il y a des gens très précis qui ont remarqué tout ça. Et Montaigne lui-même a recopié du Sénèque, mais quasiment in extenso. En fait, puis au bout d'un moment, il a enlevé les guillemets. Donc, c'est un plagiat, mais c'est du plagiat sans être du plagiat, parce que c'est de la transmission de pensée, presque. Mais c'est-à-dire, si c'est Montaigne, c'est pas grave. Si c'est Thierry Ardisson, c'est vraiment très... On fait un procès. C'est un autre problème. Ça me semble beaucoup moins grave, en fait, si c'est Thierry Ardisson, disons. C'est une autre affaire, voilà. Allez, on va entamer le deuxième sujet, le sujet 2 de cette émission, celui qui se situe donc entre le sujet 1 et le sujet 3, pour voir si vous suivez. Un sujet pour lequel je n'ai pas écrit de lancement, je viens de m'en apercevoir sur ma feuille. Mais je vais vous dire, André Manoukian va très bien s'en mais charger. Je vais vous dire, mais non, mais bien sûr, parce que c'est un article dans La Croix qui dit quand la liberté d'expression s'apprend à l'école, et puis on découvre que ce sont les médias scolaires, c'est toute une page dans La Croix ce matin, les médias scolaires qui sont un vecteur apparemment pour apprendre la liberté d'expression. Eh bien, on se penche sur ce sujet. C'est le meilleur lancement que j'ai fait depuis le début de l'émission, et c'est celui que j'ai pas écrit, c'est formidable. Oui, Camille ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens. Mais bon, on est tous des êtres humains, quoi. Oui, Camille. Oui, absolument. Attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Extrait de Nos jours heureux. C'est sympa, ça. C'est sympa. Ce qui est marrant, c'est de dire que ça s'apprend, en fait, la liberté d'expression. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si c'était un... Tout le monde a le sentiment de savoir ce que ça veut dire, la liberté d'expression. Mm-hmm. Quand on dit cette expression, voilà, on sait ce que ça veut dire. Quand une foule brandit en hurlant « liberté d'expression », les gens croient savoir ce que ça veut dire. Comme si c'était inné. Comme si c'était inné, puis après, on découvre qu'il faut l'apprendre. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'histoire. C'est que l'apprendre... Et en fait, c'est très compliqué. Parce que la liberté d'expression, c'est pas tout dire, justement. Est-ce qu'on est plus ou moins libre dans un pays où on peut dire mort aux Arabes ou mort aux Juifs dans la rue, par exemple ? Est-ce qu'on est plus libre parce qu'on peut dire plus de choses ou est-ce qu'on est moins libre parce que ce qu'on dit est un acte de censure et pas un acte de liberté ? Donc, c'est un vrai problème. Et puis, de l'autre côté, si on bannit tout ce qui est innommable, atroce, affreux, raciste, antisémite, etc., est-ce qu'on ne court pas le risque de réduire la parole à ce qui est convenable ? Et ce qui est un autre problème. Donc, la liberté d'expression, ça doit s'apprendre parce qu'il faut éviter l'infâme et le convenable. Donc, c'est pas si simple, voilà. C'est pas si facile. Entre l'infâme et le convenable. Et ça rime à chaque fois. Bien marqué. Cette idée d'apprentissage, et d'ailleurs, je trouve, rappelle ce qui est écrit dans l'article de La Croix, qui, alors moi, ça m'a interpellée, qui dit il y a aussi des jours d'ateliers citoyens pour les enfants, et l'article dit pour désapprendre l'intolérance. Mmh. Donc, ça sous-entend que la tolérance ne s'apprend pas, mais qu'il faut désapprendre l'intolérance. Enfin, c'est comme si la tolérance était innée. Il faudrait intolérer l'intolérance. Voilà, ce qui pose un vrai problème. Oui, c'est ça. Donc, oui. Je frôle la méningite là. Mais non, moi aussi. Je vous renvoie au snobisme. Hein, chez voilà. Pro, c'est beaucoup plus simple. Juliette Arnoux va nous en parler. Pourquoi pas tout de suite ? Mais tout à fait. Voilà. Voilà. C'est décidé. J'ai tranché. Ça, c'est un autre lancement de. Oui, ça, vous voyez, c'est très travaillé comme lancement. Je vois. Depuis ce matin. Mais j'apprends. Moi-même, je suis à ça d'être figée. Typiquement, le snobisme, c'est un de ces traits de caractère dont on, vous, moi, tout un chacun se dit « Alors ça, non, je ne l'ai pas, je ne suis pas snob, mais alors pas du tout. » Enfin ça, et avoir mauvaise haleine. Ce petit livre, « Le snobisme » d'Adèle Van Rett et Raphaël Antoven, chez Plon, ce petit livre. Alors je précise petit pour décrisper ceux qui, comme Thomas ou comme moi, à l'idée d'un livre de philo, ont les ongles qui leur poussent à l'envers parce qu'on a peur d'être trop bête pour comprendre, parce qu'on craint l'effort que ça va demander et les rides de concentration que ça va nous faire entre les sourcils. Bref, ce petit livre va vous démontrer que, premièrement, la question n'est pas de savoir si vous êtes snob, mais quand êtes-vous snob ? Raphaël Antoven date, chez nous, tous les humains, occidentaux en tout cas, le premier accès de snobisme au même moment, abominable, celui où on ne veut plus que notre mère nous embrasse devant nos copains d'école. Oui. Hein, c'est aussi le moment où on commence à se sentir mourir de honte quand elle chante dans la rue. Voilà. Voilà, c'est à peu près le même âge. C'est le mais maman. Voilà. Ah ! C'est le vagissement du snobisme. Voilà. Deuxième démonstration de ce petit livre, le snobisme n'est pas forcément une tare. Bien au contraire. Mais alors attention, hein, le vrai snobisme. Pas celui qui consiste à se trouver plus chic que les autres du moment qu'on a lu en entier ou prétendument La recherche du temps perdu, ou Ulysse de Joyce, ou L'homme sans qualité de Musil. Le vrai snobisme, donc, qu'on peut reconnaître à cet indice, extrait, je dirais du snobisme, qu'il consiste à croire, savoir, tout en sachant qu'on croit. Les mauvaises langues diront que du coup, le snob n'a même pas l'excuse de l'ignorance. Il me semble, à l'inverse, que le snob a au moins le mérite d'être ridicule en connaissance de cause. Le snob a la conscience aiguë de l'inanité du préjugé auquel il adhère pourtant de toute son âme. Est-ce que vous voyez le distinguo ? Là où ça devient subtil cette affaire, c'est qu'en lisant ce livre, en suivant ou en tentant de suivre les raisonnements de Raphaël Antoven et Adèle Van Rett, sachant que tous les deux œuvrent vraiment pour ne pas vous lâcher la main quand ça se complique, vous ne pourrez que ressentir ce plaisir euphorisant de fréquenter, même temporairement, un peu Pascal, un peu Spinoza, Camus, Tocqueville, Descartes et Kant, bref, du beau monde, mon Dieu, quel affreux snob je fais. Au passage, Raphaël Antoven règle quelques comptes avec Onfray, comparé au pharmacien Homais de Madame Bovary, oui. ou avec les gens qui vont à la FIAC, ou avec Sartre. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous citer. Le snobisme de Sartre est un snobisme de Parisiens, de normaliens et d'agrégés qui ne supportaient pas de se voir remis en cause par un homme, en l'occurrence Albert Camus, oui. Dont le cursus ne valait pas le sien. Mmh. Mais ce qui m'a encore plus chauffé le cœur, parce que déjà se payer Sartre, à mon sens, ça fait toujours plaisir, mais basta. Ouais, ce qui m'a encore plus chauffé le cœur, c'est qu'une des dernières citations de ce livre est celle d'un homme dont la préoccupation majeure sur cette terre de mort en sursis était d'être drôle. Groucho Marx, donc dans le texte, « I don't care to belong to any club that will have me as a member », ou en français, « Je ne voudrais certainement pas être membre d'un club qui voudrait de moi comme membre ». Oui, le snobisme est une passion triste, mais drôle, mais triste, mais drôle, mais triste. Et c'est sans fin. Sauf si je vous révèle le secret de Raphaël Antoven et de Romain Gary, sortir du snobisme, c'est préférer sa mère à ses amis. Merci Juliette Arnaud. C'est un spoiler, c'était la fin. Il n'y avait pas de suspense. Merci. Le croire savoir sans savoir qu'on croit, c'est une expression d'Alain Besançon qui revenait sur son stalinisme et qui disait à l'époque, on croyait savoir mais on ne savait pas qu'on croyait. Et parlant de ces années staliniennes. Or la particularité du snob, c'est qu'il croit savoir... Mais il sait qu'il croit, il sait qu'il est en train de dire n'importe quoi, mais ça l'empêche pas de croire qu'il sait. Et c'est là qu'il y a quelque chose, à mon avis, de très touchant, de très... Ah ouais de très... Mais je suis snob, moi, alors. Bah voilà. Mais c'est ça, l'idée, c'est qu'à la fin, on sait qu'on l'est tous. Mais ouais. Et que c'est surtout pas très grave. Oui, voilà. Donc, je vous renvoie, évidemment, au le snobisme dans la collection. Alors, c'est une collection, question de... Voilà, il faut dire un mot de allez-y, cette collection. Justement, oui. Bon, c'est l'émission d'Adèle Van Rett, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, donc passe sur France Culture. Sur France Culture, tous les jours, de 10h à 11h du lundi au vendredi, est une émission qui se décline en livres, 4 par an. Il y a eu La Jouissance, La Méchanceté, L'Obstination et Le Snobisme pour cette année. Je ne connais pas les titres de l'an prochain, vous lui poserez la question. Mais on l'invitera. Voilà, mais vous gagnerez au change. C'est un travail, en fait. On enregistre les entretiens, on discute, on retape les entretiens, on écrit le livre. Et ensuite, au moment où le livre sort, on fait les émissions sur le propos du livre lui-même, en confrontant la parole du livre à d'autres interlocuteurs. C'est-à-dire que vous voulez dire que le propos naît de votre échange avec elle. Absolument, absolument. On est très complices avec Adèle. On a travaillé ensemble pendant des années. C'était très facile de faire cet échange, de faire ce dialogue avec elle. C'est une excellente mailloticienne, comme on dit. Et je rappelle que le Gai Savoir sur France Culture, c'est le dimanche de 16h à 17h. Oui, ça, c'est autre chose. Oui. Et puis, c'est vous. Gentil. Sur France Culture. Et puis, votre émission aussi sur Arte Philosophie le dimanche à 12h30. Si on abordait le troisième sujet de cette émission, qui trouve des solutions pour tous les problèmes que la France, le français est prêt à tout partager à condition que ce soit payant. Louer son appart avec Airbnb, louer sa voiture avec Drivey, covoiturer avec BlaBlaCar et même trouver quelqu'un pour monter son armoire IKEA sur YouPijob. C'est le partage, c'est cette vieille utopie dans le fond. C'est sympa le stop. On tombe sur des types, ils vous emmènent dans leur bagnole, ils vous offrent des cigarettes, ils vous invitent à bouffer, ils vous retiennent à dormir. Il y en a même qui vous donnent du pognon. Si, pour qu'on se barre. Ah oui. Enfin, on donne ce qu'on veut. Dites donc, je pense à un truc. Si ça se trouve, vous habitez pas sur la route de Paris, vous. Ben non, parce que ça va vous faire lever le bonheur demain matin. Et oui, un sketch qui nous ramène à une autre époque quand le partage maintenant est devenu une économie florissante. Oui, mais c'est qu'on monétise le partage, donc on a partagé le partage quand même. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc on monétise le partage, c'est pas Saint-Martin, si vous voulez, qui se dépouille de son manteau au profit de quelqu'un qui en a plus besoin que lui. Hein. Il se dépouille de son manteau contre il le loue. Quoi. Contre des deniers, bien sûr. Alors c'est justement un dossier dans l'Obs cette semaine, et quand on parle l'économie du partage, on sent bien dans le mot économique, il y a deux sens. On parle de l'économie, la vie share, c'est-à-dire prenant le mot anglais. On fait une économie, exactement, et on fait une économie en partageant, mais on fait aussi de l'économie en partageant, et c'est bien là toute la nuance. Alors, l'homme devient à la fois une micro-entreprise, parce qu'il loue sa voiture, il loue son appart, etc. Et puis, ça amène aussi une autre réflexion, c'est qu'il devient aussi un produit, dans le fond. Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'idéologie du partage, c'est que on dit c'est une valeur ajoutée parce qu'on en revient à la valeur d'usage. C'est vachement important. Pardon, je peux citer Aristote ? Mais allez-y. Alors, l'idée... Allez, en fait, non, je le cite pas, c'est bon. Je le cite pas, en fait, mais La valeur d'usage, c'est Aristote qui pense ça. Il prend l'exemple d'un cordonnier. On est cordonnier, on fait des chaussures et puis on les fait pour les porter. Et puis un jour, le cordonnier fait des chaussures pour les vendre. Et c'est là qu'il passe de la valeur d'usage à la valeur d'échange. C'est le début de la fin, hein. C'est l'entrée, c'est la découverte du capitalisme. Ce truc qu'on n'a pas eu besoin d'inventer, contrairement à l'autre. Donc on est passé à la valeur d'échange. Alors avec le partage, on dit on est retourné à la valeur d'usage. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. On n'est pas du tout dans le troc, on est dans un échange, on est dans un univers monétisé. On n'est pas du tout sorti de la valeur d'échange. En revanche, on a injecté de la citoyenneté, ce qui est une espèce de blanc-seing universel. ce qui fait qu'on peut faire n'importe quoi tant qu'on le fait de façon oui, citoyenne, on est vertueux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La citoyenneté, c'est le mot valise, c'est l'onction républicaine, c'est la... Voilà, on est pardonné. C'est l'extrême onction républicaine, la citoyenneté. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, tant que c'est une démarche citoyenne, vous pouvez faire le pire. Il n'y a pas de problème, vous l'avez fait comme citoyen. Et alors, il y a un autre aspect de ce sujet qui suscite sans doute une réflexion. C'est que, on nous a toujours appris à ne pas monter dans la voiture d'inconnus. Oui. Et là, on covoiture, on partage, on prête ses affaires, etc. Et plus on le fait, plus on a de bonnes ou de mauvaises notes. Et plus vous avez de bonnes notes sur ces sites, plus vous êtes enclin à partager vos choses. Mais et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est un surdéveloppement de la consommation. On retrouve ça même dans les écoles. Maintenant, même dans les écoles, les élèves évaluent les profs comme les profs évaluent les élèves. Quand on commande un VTC, par exemple, un véhicule de transport, un Uber, faut pas le dire à l'antenne. Quand on le commande, on est invité à noter son chauffeur. Mais en réalité, le chauffeur note également le client. C'est-à-dire que c'est l'univers du jugement ultra répandu. C'est-à-dire que plus on est dans le partage, plus on est dans l'évaluation de l'un par l'autre. C'est un monde où le jugement a été répandu partout, en fait. Donc voilà, on partage, mais on partage des notes. Et alors ça, pour un philosophe, est-ce que c'est plus complexe à analyser ? C'est grisant. Vous savez, le travail du philosophe, entre guillemets, ou du prof de philo, c'est de trouver dans le monde des échos, des textes qui ont été écrits 2000 ans avant, en fait. C'est ça, le travail. Le travail consiste soit à mettre des textes antiques sur des problèmes modernes, genre parler de Match Point de Woody Allen à partir de Platon quand il dit qu'il vaut mieux subir une injustice que la commettre. Ben, l'autre, il vaut mieux commettre l'injustice plutôt que la subir. Voilà. C'est mettre des textes sur des moments contemporains, ou bien c'est se servir des moments contemporains pour faire jaillir des lois, tout simplement, qui les précèdent de parfois plusieurs siècles. Il vient de jaillir dans ce studio. Non, ça fait un moment que je suis là. Hein, celui qui est derrière vous, pardon, regardez. Pardon. Tournez-vous, regardez. Ah, Frédéric. Eh oui, c'est parce que moi je travaille les transitions énormément. Oh, bah là, attention. Moi je te note 10 sur cette transition. Tel un propos de Raphaël Antoven dans ce studio, il a jailli. C'est Frédéric Fromet, notre chroniqueur du vendredi. Alors aujourd'hui, le thème. Eh ben, j'ai décidé de suivre le chemin de Manu Chao. Ah, ouais, je me suis mis à la chanson d'Amérique latine. Très bien, on vous suit, Frédéric Fromet. Il y avait en Argentina les tournages d'une émission pour une télévision de merda, une émission à sensation. Sur TF1, c'est toujours la fiesta, il faut du cul ou du nichon. Ou même mieux, una catastrophe. Plus belle la vie, ça c'est trop couillon. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum. Badaboum, les petits hélicos. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum. On a failli perdre Candeloro. Et Annie Longo. On a déjà connu Koh-Lanta. Un Maccabé, c'était pas suffisant. Et vous l'ai dit, c'est vraiment la merde. Au jeu du cirque, il faut toujours du sang. Au moins dans les chiffres et les lettres, il y a moins des risques d'y laisser sa peau. Au pire, on risque une migraine et des blagues de Laurent Romeshko. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum. Badaboum, les petits hélicos. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum. Moi, j'ai peur pour Nicolas Hulot. Ouchou, aïe. Et moi pour mon boulot, ouais, c'est pas mal. Plutôt que les télé-réalitas, il y a question pour une championne. Ou les journaux de David Pourradas. Un vrai journal, non, y déconne. Mais TF1, c'est plus sympa. On peut y gagner des millions. Et les valeurs dans tout ça, c'est comme les hélicos, on s'en tamponne. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum. Badaboum, les petits hélicos. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum. Peut-être qu'ils voulaient danser les tangos. Argentino. On dit toujours qu'en Argentina, la viande est de bonne qualité. Oui, mais y est bien parqué cette fois, la viande est tout un peu trop grillée. Ça fait un sujet pour le 13, le trésor de Jean-Pierre Pernaud. Ça change des chutes de neige, ici la chute, c'est les hélicos. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum, badaboum, les petits hélicos. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, badaboum, ils rigolent mais c'est pas rigolo. Frédéric Fromet. Merci. C'était donc la, c'était la dernière, hein, c'est ça. C'était la dernière émission. Très fière d'avoir fait tout, je rigole. Est-ce mais qu'on c'est appelle pas, rigolo, pas ça la catharsis? Bah oui, c'est vrai. De bah, c'est la licence poétique, hein. Pour, voilà. Voilà, pour nous faire du bien, pour évacuer tout ça, évidemment. Merci beaucoup, Raphaël Antoveux, d'avoir été avec nous pour cette dernière émission. C'était un honneur. Déjà, on avait commencé à la tequila et on a fini avec Frédéric Fromet. Je rappelle aussi, tiens, que le Gai Savoir sur France Culture, c'est le dimanche de 16h à 17h, donc c'est ce week-end. N'oubliez pas. Non, c'est pas ce week-end, il y a encore le carême. C'est-à-dire pendant 6 semaines, on est en jeûne, on est au jeûne. C'est le ramadan du Gai Savoir, en fait. Pendant 6 semaines, il n'y a pas d'émission. Et on revient en avril avec une émission sur les caractères de la prière. Ah, d'accord. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, Adèle Van Rett, on peut aussi la retrouver dans les nouveaux chemins de la connaissance. France Culture, lundi au vendredi, 10h à 11h. Et je rappelle Le Snobisme, votre ouvrage paru chez Plon, coédité par France Culture. Merci. Merci. Et on laisse le mot de la fin au présentateur de la télévision belge qui a rebaptisé le joueur star du PSG. Après prolongation, le PSG avait pourtant joué 1h30 à 10 après l'exclusion très controversée d'Ibrahim Zlatanovic.